Il y a des raisons pour lesquelles nous pouvons accepter de recevoir personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Dans le cadre de la loi de l'Ancien Testament, le grand prêtre devait se placer près d'un bouc vivant et prier en plaçant symboliquement sur la tête de l'animal les péchés de tout le peuple d'Israël. Ce bouc émissaire, comme il était alors appelé, était ensuite envoyé mourir dans le désert. Ce rituel illustrait ainsi la suppression du péché d'Israël. Or, ce sacrifice annonçait l'institution future d'un plus grand sacrifice, celui de Jésus-Christ sur la croix. Jésus a porté sur ses épaules les péchés non seulement du peuple d'Israël, mais également ceux du monde entier et ce, pour toutes les époques. Charles Stanley nous propose pour cela une perspective de la croix vue de près dans cette émission. Lorsque votre regard contemple la croix, que voyez-vous? Si vous leur posiez cette question, la plupart des gens vous répondraient « Je vois un homme nommé Jésus cloué sur une croix en bois. Ses pieds et ses mains sont percés par des clous, et sa tête est coiffée d'une couronne d'épines. Du sang coule de son front, de ses mains, de ses pieds, transpercé par les clous. Je vois seulement un homme qui agonise, là, sur cette croix. On l'appelle Jésus, et on dit qu'il est mort pour les péchés du monde. » Et si vous êtes croyant, est-ce tout ce que vous voyez? Ne voyez-vous rien de plus sur la croix? Si c'est votre cas, vous avez une perception très superficielle de la croix. Et le but de ce message est de vous donner une idée plus claire du symbole de la croix. Plus précisément, comment Dieu considère-t-il la croix? Voyait-il plus que son fils, presque totalement nu, cloué à un madrier, sous les moqueries et les railleries du monde, pendant que les uns pleuraient, les autres critiquaient, et que d'autres encore riaient et se moquaient de lui? Que s'est-il produit au moment où Jésus a été crucifié? Que s'est-il vraiment produit? Je vous propose aujourd'hui d'étudier de près le symbole de la croix. L'apôtre Paul nous le présente avec beaucoup de finesse dans son épître aux Colossiens. Si vous avez votre Bible à la portée de la main, tournez avec moi dans un passage qui déborde de vérités merveilleuses et magnifiques. Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous pourrons trouver dans ces trois versets une explication du symbole de la croix. Que s'est-il vraiment passé à ce moment? En quoi cet événement a-t-il changé le cours de l'humanité? Premièrement, penchons-nous sur cet événement à la lumière de la condition réelle de l'humanité. Car la justification de la croix est à chercher dans la condition humaine. Et quelle était cette condition? L'apôtre Paul la résume d'une façon fort succincte au début du verset 13. « Vous qui étiez, quoi? Morts. Nous étions tous spirituellement morts. » Voilà la condition de l'homme dénué de la vie qui lui est accordée en Jésus-Christ. Spirituellement mort, sans Jésus-Christ. Une personne ne possède aucune vie spirituelle. Elle est morte spirituellement. Elle ne peut jouir d'aucune relation avec Dieu. Oh, vous pouvez toujours prétendre que vous priez Dieu. Et bien que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, cela ne vous empêche pas d'être quand même une bonne personne. Vous êtes donc certain que Dieu vous aime, que votre relation avec lui est bonne. Après tout, il entend et répond à vos prières. Et, en fin de compte, peu importe ce que les autres peuvent penser, vous continuerez de faire ce que vous avez toujours fait. Vous respectez ce que les autres pensent, et vous vous attendez à ce que les autres respectent ce que vous pensez. Or, voyez-vous, il y a un petit problème avec ce genre de raisonnement. Ce que vous pensez ou ce que je pense et ce que n'importe qui ici-bas pense n'a strictement aucune importance. Car c'est Dieu, et seulement Dieu, qui déterminera si vous vivrez éternellement avec lui. Dans ce cas, ne serait-il pas sage de connaître quels sont ses critères d'admission? Ceux-ci sont clairement exprimés dans sa parole, la Bible. Et la Bible affirme que nos péchés nous ont séparés de Dieu. Il ne nous écoute pas, pas parce qu'il ne peut pas nous entendre ou parce qu'il ne peut pas nous sauver. Ce sont nos péchés les fautifs. Ils nous ont séparés de lui. Le mot-clé de l'apôtre Paul pour décrire la condition de l'humanité est le mot « mort ». Regardons maintenant plus attentivement Colossiens chapitre 2, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Paul fait remarquer à ses lecteurs comment il s'était aliéné Dieu et sa promesse de grâce contenue dans son alliance. La condition spirituelle de l'humanité est d'être éloigné ou séparé de Dieu. L'homme est spirituellement mort. Voilà comment il paraît aux yeux de Dieu. Nous devons être très attentifs car nous devons alors élever notre perspective. Il ne s'agit plus de simplement voir un homme cloué à une croix, mais de voir l'événement selon la perspective de Dieu. Que voyait ce dernier à ce moment? Et que devons-nous saisir si nous voulons comprendre l'impact réel des événements entourant la mort de Jésus-Christ sur la colline du Calvaire? Dieu le Père a vu son Fils cloué à la croix à cause de la condition du monde. Ce monde mort par ses offenses et ses péchés, comme l'apôtre Paul l'affirme dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1er. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Or, quelle force une personne morte possède-t-elle? Absolument aucune. Une personne physiquement morte est absolument sans ressources. Et parallèlement, une personne spirituellement morte ne possède aucune ressource en regard des choses spirituelles. En vérité, une personne spirituellement morte ne peut absolument rien faire pour aider sa cause. Elle ne peut pas se pardonner à elle-même. Elle ne peut pas se mettre en règle avec Dieu. Elle ne peut rien faire, spirituellement parlant. Cependant, quand Dieu voit le calvaire, il contemple la croix en tenant compte de la condition humaine absolument sans ressources. Il sait que la croix était nécessaire à cause de notre condition. Aussi longtemps qu'une personne pense qu'elle peut faire quelque chose pour s'attirer la faveur de Dieu, elle évitera la croix. Elle évitera aussi de parler du sang de Jésus. Et elle évitera l'idée qu'elle doit naître de nouveau pour devenir une nouvelle création en Jésus-Christ. Elle fera tout ce qu'elle juge nécessaire pour être acceptable aux yeux de Dieu. Mais comment une personne morte peut-elle se rendre acceptable devant Dieu? La réponse à cette question est absolument rien. Cependant, quand Dieu le Père observe la croix, il la voit comme étant la solution au problème de la condition humaine. Et quelle est cette condition? Transgression, offense et violation de la loi de Dieu. Et nous devons comprendre par là qu'il s'agit d'un état continuel de rébellion, un état volontaire. Nous avons chuté à cause de nos transgressions, de nos offenses et de notre désobéissance délibérée. Ces raisons provoquent une partie du problème. L'autre partie du problème est Satan. Nous avons déjà dit que la condition de l'homme est la mort. Et, si tel est le cas, nous devons nous enquérir des causes de cette mort. Nous avons déjà dit que la première cause à cette condition est le péché. Comme le péché a fait mourir l'homme, si nous voulons qu'il vive de nouveau et qu'il soit en mesure d'entrer en relation avec Dieu, nous devrons nous attaquer au péché. Cependant, le problème ne s'arrête pas au niveau de notre nature pécheresse. Nous devons donc voir au-delà. Pourquoi? En plus de naître avec une nature pécheresse, et même si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et que nous recevons de lui une nouvelle nature, nous avons un autre problème, Satan. Nous avons en plus un troisième ennemi, le système de ce monde. considérez ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Or, si mon problème est la mort, la solution est la vie. Si mon problème est la mort, je dois déterminer la cause de la mort. Or, nous le savons, la cause de la mort est le péché. Aussi, comment faire pour l'éliminer? En vérité, nous ne pouvons pas nous débarrasser du péché par nos propres moyens. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu dans le monde mourir sur la croix. Il devait porter le péché de l'humanité, notre péché. Revenons à notre question. Quand Dieu le Père considère la croix du calvaire, que voit-il d'après vous? Il voit son Fils sur la croix, remède aux maux d'une humanité basculant dans le chaos. Et rien ni personne ne pouvait pallier cette situation. Rien ni personne, aucun autre événement que la crucifixion du Christ n'aurait pu régler la question. Pourquoi? La raison est simple. Pour éliminer le péché, il fallait un homme lui-même sans péché. Or, comme tous les hommes avaient péché, il ne pouvait éliminer le péché. Nous avons en effet tous une dette envers Jésus qui a payé pour notre péché. Or, je ne peux payer votre dette et vous ne pouvez pas payer la mienne. Dieu, sachant que tout être humain naissait pécheur, devait donc éliminer lui-même le péché ou laisser l'homme dans sa condition pécheresse. Par conséquent, pour changer cette condition pécheresse propre à l'être humain, il fallait payer la dette du péché. Oui, mais comment? Trop souvent, les gens ont tendance à penser « Oh, je n'ai qu'à demander à Dieu de me pardonner ». Croyez-vous que c'est simple comme cela? Sur quoi se basera-t-il pour vous pardonner? Bof, vous savez, il est Dieu, il peut donc le faire s'il le veut. Vous faites erreur. Écoutez donc ce qui suit, car c'est là que tout se joue. Dieu ne consentira jamais à faire quelque chose qui contredise sa propre parole, car ce serait trahir sa propre personne. Il ne fera jamais rien qui contrevienne à sa propre loi. Il posera seulement des gestes conformes à sa nature. Vous pourriez objecter ceci. Voulez-vous me dire que Dieu est limité? Dieu ne violera jamais sa propre parole. Il n'y sera jamais infidèle, car s'il n'était pas capable de tenir sa promesse, il ne serait pas Dieu. Pas une seule fois Dieu manque à sa parole, car s'il le faisait, il ne serait plus le Dieu parfait et fidèle que nous connaissons. Et nous ne pourrions plus nous fier à lui. Or, il est le même aujourd'hui, hier et à jamais. Il est absolument saint, et s'il est absolument saint, il ne peut pas violer sa propre loi. Si c'est cela être limité, ne souhaiteriez-vous pas que tout le monde le soit? C'est pourquoi il est totalement faux de prétendre que tout ce que Dieu a à faire, c'est de dire « « Bon, je sais que tu as péché contre moi, mais si tu me demandes de te pardonner, alors ça va, je te pardonne. » Non, ce serait trop facile. Nous sommes pardonnés à cause des dispositions qu'il a prises. Et ces dispositions nous conduisent toutes à la croix de Jésus-Christ. Croyez-vous que Dieu aurait laissé son Fils se faire crucifier s'il y avait eu une autre solution? La croix de Jésus-Christ est la seule substitution adéquate et Jésus le seul substitut pour nos fautes. Or, quand Dieu le Père assistait à cette scène et qu'il voyait son Fils agoniser, il se réjouissait. Pardon? Il se réjouissait. Écoutez-moi bien. Nous devons voir plus loin que les mains, la tête et les pieds ensanglantés. Je ne veux pas diminuer le caractère atroce des douleurs subies par Jésus sur la croix. Non, bien au contraire. Or, en dépit de tout cela, Dieu le Père et tous les anges du ciel devaient se réjouir de ce qui se passait. Car Jésus-Christ, en mourant sur la croix, avait refusé d'obéir à Satan. Il avait refusé de céder à la tentation au jardin de Gethsémané et d'éviter la croix. Il avait refusé d'haïr ses ennemis, et il était prêt à mourir sur cette croix pour une humanité perdue, sans ressources et sans espoir. quand Jésus-Christ est mort sur la croix, aussi tragique que cela puisse paraître, il enregistrait un immense triomphe et une victoire sans précédent pour le royaume de Dieu, car désormais, le monde entier pouvait avoir accès au privilège d'être sauvé. La porte de la grâce, de l'amour, de la bonté et de la compassion de Dieu était maintenant ouverte au monde entier. Sans croix, il n'y a pas de sang répandu, ni d'agneau immolé avant la fondation du monde. Il n'y a alors aucun pardon, aucune purification, aucune vie, aucun espoir, aucun secours et aucune vie éternelle. C'est pourquoi Paul nous dit « Lorsque vous étiez morts dans vos offenses, désespérés, et l'incirconcision de votre chair, étranger à l'alliance de la grâce de Dieu, il vous a rendu à la vie en lui en vous pardonnant tous vos péchés. » Nous en avons parlé auparavant. Le Père considère la croix à la lumière de la condition d'humanité. Puis, il envisage la croix du Christ à la lumière de la mission qu'il avait confiée à Jésus. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Cet agneau est venu dans le monde pour porter le fardeau du péché des hommes. Ce plan a été fixé une fois pour toutes, avant même que Dieu ne crée ce monde. La chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'a en aucune façon pris Dieu au dépourvu. Dieu n'a jamais improvisé de réponse face à la rébellion des premiers parents. Il savait avant la chute de l'homme. Il était conscient que ce dernier allait tomber, et c'est pourquoi il a dit à Ève, dans Genèse, chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Satan sera ultimement détruit, et dès le commencement, alors que le premier couple vivait encore, sa destruction était déjà planifiée. Quand Dieu le Père regarde à la croix, il la considère d'une manière tandis que nous, nous l'apprécions d'une autre manière. De notre perspective humaine et superficielle, il est normal de penser « N'est-ce pas là la plus grande des tragédies? Cet homme n'était-il pas absolument parfait? N'a-t-il pas vécu une vie absolument parfaite, sans péché, depuis le berceau jusqu'à sa mort? » Personne n'a pu l'accuser de péché, ni de violer une loi quelconque de Dieu. Alors, pourquoi cette mort atroce? Il était une personne des plus bienveillantes, et même ceux qui ne croient pas en la divinité de Jésus doivent admettre qu'il était d'une grande bonté. Il nourrissait les pauvres, il guérissait les malades, il rendait la vue aux aveugles, et il fortifiait les boiteux. Partout où il allait, il faisait de bonnes choses. Les enfants l'aimaient, les adultes l'aimaient, à l'exception de ce groupe de chefs religieux qui tenaient à protéger leur propre prestige et leur puissance. À part eux, donc, tous le considéraient comme un homme bienveillant. Personne ne l'a jamais accusé de manquer de gentillesse ou de grâce. Comment peut-on prétendre que Dieu le Père approuvait la croix quand elle est l'expression d'une si grave injustice? Jésus a été trahi par un de ses disciples, et le reste d'entre eux l'ont tous laissé tomber la nuit précédant sa crucifixion. On l'a jugé de manière injuste et accusé faussement. Il a été flagellé par des soldats romains qui l'ont crucifié ensuite. Cet homme a été exécuté d'une manière atroce. Qu'avait-il donc fait pour mériter cette mort si douloureuse, si inhumaine? N'est-ce pas là une terrible tragédie, un travesti de justice? Or, à présent, considérons l'événement selon la perspective de Dieu le Père. L'apôtre Paul nous révèle que Dieu nous a rendus vivants en Jésus parce qu'il nous avait pardonné en lui toutes nos offenses. Dieu a contemplé son Fils cloué à la croix et il a dit « Voilà, c'est fait, tout est accompli. » Car voyez-vous, Jésus-Christ avait une mission à accomplir sur la terre. Il n'a pas été une victime des circonstances de son époque. Il n'était pas non plus une victime des pharisiens ou des chefs du peuple d'Israël ou des soldats romains ou de la masse populaire. Jésus-Christ accomplissait victorieusement la mission pour laquelle il avait été envoyé. Il était venu pour mourir. Et quand il a mis ses disciples au courant de sa mission, à Césarée de Philippe, on se rappelle leur réaction. dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Dans l'esprit de Pierre, il était absolument impensable que le Fils de Dieu, le Messie, puisse être ainsi maltraité. Or, il l'a été. Je tiens à attirer votre attention sur ce point. Quand nous regardons à la croix, nous devons impérativement penser à un homme qui avait une mission à accomplir. Cet homme a vécu et est mort tragiquement en étant parfaitement fidèle à son Père. Il marchait dans l'obéissance devant son Père. Il a accompli la tâche que le Père lui avait confiée. Il a accompli la tâche sur laquelle lui, le Père et le Saint-Esprit s'étaient mis d'accord. Jésus-Christ était un homme en mission et il répondait à l'appel de Dieu. Est-ce une tragédie à nos yeux? Peut-être, mais il s'agit bel et bien d'une victoire aux yeux du Père. En effet, Jésus menait un terrible combat dans le jardin de Gethsémané, tandis que Satan faisait tout ce qui était en son pouvoir pour l'empêcher de se sacrifier et de se laisser crucifier. Il l'avait harcelé toute sa vie en essayant de le faire désobéir à son Père d'une quelconque manière. Il avait essayé de le tuer alors qu'il était encore un bébé. Il avait essayé de le tenter dans le désert, et maintenant, dans le jardin de Gethsémané, il essayait encore une fois de faire tomber Jésus. Il n'y est jamais parvenu. Pourquoi cette tragédie apparente est-elle un authentique triomphe? Parce que, sur la croix, Jésus mourait en tant que substitut pour vous et moi. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été difficile, voire impossible pour vous et moi de supporter le poids de nos péchés? C'est pour cette raison que Dieu les a placés sur les épaules de son Fils unique, Jésus. Pouvez-vous imaginer la douleur de Jésus? En plus de ses mains, de ses pieds transpercés par les clous, de son dos réduit en lambeaux par le fouet, de sa mère morte de chagrin au pied de la croix, il a accepté de porter la culpabilité de toute l'humanité. Dieu nous a donc épargné bien des souffrances et des douleurs. Par exemple, on le sait, il est difficile de tolérer un peu de culpabilité. Alors nous pouvons nous imaginer à quel point qu'il aurait été pénible de le supporter toute une vie. Dieu le Père a donc fait de son Fils un substitut, le bouc émissaire de vos péchés et des miens. Jésus-Christ agonisait avec le poids du péché de l'humanité sur ses épaules. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'il nous a rendus à la vie ensemble après avoir pardonné toutes nos offenses. Et je tiens à le répéter, Dieu ne pourrait pas être Dieu. Il ne pourrait pas demeurer un Dieu de justice et de sainteté en pardonnant nos péchés aussi rapidement et facilement qu'on allume une lampe. Il ne pouvait pas simplement dire, « Voilà, vous êtes pardonné. » Pourquoi? Parce que je l'ai voulu ainsi. Non, il ne pouvait pas agir de cette façon, car quelqu'un devait payer la dette de notre péché, et cela ne pouvait pas être nous. Et en quoi consiste la dette de notre péché? C'est la mort, comme l'explique clairement Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ est donc venu mourir sur la croix par son sang répandu. Il nous a purifiés de notre péché. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous procurer le pardon de notre péché, pour enlever notre culpabilité et nous en libérer. Or, Jésus ne nous a pas juste purifiés et pardonnés par son sacrifice sur la croix. Lisons Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. » En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. S'il nous a rendus à la vie, que pouvons-nous déduire? Qu'avant cela, nous étions morts. Morts par nos transgressions, morts par nos offenses, morts par nos péchés, mais il nous a ramenés à la vie. Et comment a-t-il fait cela? Quand Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix, il a pris la dette de notre péché et l'a complètement acquitté. Et quand, par la foi, nous le recevons personnellement comme notre Sauveur, la même puissance de résurrection qui a sorti Jésus-Christ du tombeau devient la nôtre et celle de tout croyant. Ceux d'entre nous qui étaient morts par leurs offenses et leurs péchés, il les a rendus à la vie avec lui. Et maintenant, nous avons la vie de Jésus-Christ en nous. Quand nous recevons personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, cela ne nous tombe pas du ciel. Jésus-Christ, en nous donnant sa vie, vient vivre à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Il devient notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître et notre vie. Quand Jésus est mort sur la croix, les cieux devaient se réjouir, car son œuvre de rédemption était maintenant accomplie. L'agneau de Dieu avait été sacrifié et l'offrande avait été effectuée. Elle a été acceptée par Dieu le Père parce qu'elle était absolument sans défaut et sans tache. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, né d'une vierge, s'était offert lui-même en expiation pour le péché de l'humanité. Le Père éternel et toute l'assemblée des cieux se réjouissent de son obéissance et du fait que sa mission était maintenant accomplie avec succès. En conséquence, le pardon de Dieu était désormais accessible à tous les hommes. Le pardon de Dieu nous donne la vie. Mais nous avons besoin de plus que le pardon, car nous sommes appelés à vivre au-delà de cette vie. Nous avons besoin d'encore plus de vie. Nous avions besoin de la vie et nous avons besoin d'une vie que la mort ne peut pas nous enlever. Et nous avons cette vie, car nous l'avons obtenue par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Charles Stanley nous a rappelé aujourd'hui que tout ce dont nous avons besoin nous a été offert par Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous. Quand nous acceptons le Seigneur comme notre Sauveur, nous recevons le pardon, le réconfort, la force et tout ce qui nous permettra de vivre une vie victorieuse. Rien dans le sacrifice de la croix n'a été imprévisé. Par les préfigurations de l'Ancien Testament, comme celle de l'agneau immolé et du bouc émissaire, Dieu nous donnait plusieurs siècles à l'avance des indices de son plan de rédemption pour l'humanité. L'Ancien Testament contient des centaines de prophéties qui ont trouvé leur accomplissement dans le Nouveau Testament avec la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley? Mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ses enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.